Se coupe pas la merde à tes pieds, sinon ça te remonte jusqu'au nez. Brandy, brandy, brandy, brandy, brandyette. Oh, brandy, brandy, brandy. Ça c'est brandyette, brandy, brandy, brandy. Oh, c'est brandyette, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta brandyette. Brandy, brandy, brandy, oh, brandy, brandyette, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta brandyette. Oh, oh, brandy, brandy, brandy, oh, brandy, brandyette, qu'est-ce que tu nous fais chier avec ta brandyette. Oh, brandy, brandy, brandy, brandy, brandyette, oh, brandy, brandy, oh, brandy, brandyette, brandy. Brandy, brandy, brandy, tu crois que vraiment c'est chouette? Cette brandyette, brandy, brandy, brandy, brandy, brandyette, qu'est-ce que tu nous fais suer avec ta brandyette? Brandy, brandy, brandy, brandy, brandyette, qu'est-ce que tu nous fais suer avec ta brandyette? Brandy, brandy, brandy, brandy, brandyette, qu'est-ce que tu nous fais suer avec ta brandyette? Brandy, brandy, brandy, brandyette, si nous fais suer avec ta brandyette. Brandy, brandy, brandy, tu vois vraiment que c'est chouette, on voit toujours cette brandyette. Brandy, brandy, brandy, brandy, brandyette, vraiment tu crois que c'est chouette cette brandyette, cette brandyette. Brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy, brandy,